Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux-roues, un piéton ou un animal, afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part. Hors agglomération, cet espace minimum ne doit pas être inférieur à 1. Réponse A.